Yeah, Azu Boy Mod di 4 da leen bëggee bu baax a baax. Bon, bi nag ñaari dof la woon quoi, yu nekkoon town affaire yooyu. Bon, ñaari dof yu xam di doxantu yooyu ni ñuy doxantoo noonu rek. Benn dof bi xool asamaan quoi, gis benn avion ne avion lay wàdd mi ngi noonu, avion président mi ngi noonu. Beneen dof bi nag waa yow da nga dof quoi, mais ana motaari yow li kay du avion président lay wàdd, ana motaari. Ah, noppilu waay.